Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur le web à l'adresse c'estfou.ca et sur iPhone à partir de l'application C'est Fou Live. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Logos d'Italie, les Argentins Nexus, on retourne en Italie avec Astrolabio, on aura Rocket Scientist des États-Unis, suivi de Sound of Contact et la formation danoise Lars Butrop, Music for Keyboards. Ça sera suivi des Suédois Barracuda Triangle et dans les rock progressifs pionniers, précurseurs, nous aurons Circus d'Angleterre et Premiata Forneria Marconi d'Italie. Alors, on débute le premier bloc avec Logos, avec deux extraits du dernier album qui est paru en 2014. L'album s'intitule L'Enigma della Vita et allons entendre In quale luogo si ferma il mio tempo. Ça sera suivi de Pioggia in Campania. Alors, voici Logos d'Italie. Thank you.

sotto qualche quercia sono certo ci sarà anche quella di mio padre, coperta di foglie appena cadute e di pioggia fresca di primavera. Dove saranno finite le coperte da stendere sull'erba per mangiare? Forse qualcuno ha potuto salvare dall'impercettibile furia del tempo. Sono una piuma vagante qui mi poso ad ascoltare ciò che dicono le foglie, anche se presto sarò soffiata via. C'était la formation italienne Logos avec deux pièces extraites de l'album paru en 2014 qui s'intitule L'Enigma de la Vita. On enchaîne à peu près dans le même registre avec un groupe argentin, Nexus. Nexus qui est connu pour six albums studio. C'est une formation qui a débuté à la fin 99 et qui est encore active. On connaît aussi ceux qui suivent l'émission régulièrement. On a entendu Lalo Huber il y a quelques semaines. Il s'agit du claviériste de Nexus. On va reconnaître sa signature. Et la pièce qu'on va entendre est une longue pièce extraite d'un album concept, le Triple, qui s'intitule L'Odyssée, ou Odyssey de Last Tales. Et la pièce dure 27 minutes, alors j'ai profité d'un bris de tempo pour la couper en deux, de sorte qu'on puisse écouter la première partie avant la publicité. Et on va terminer le premier bloc avec El Regreso Part 1, c'est-à-dire, et on va débuter le deuxième bloc de l'émission avec la suite El Regreso Part 2. Donc voici Nexus.

camino. Este destierro no es la resignación. Una salida, la distancia abrió tu sensación. Entre mis sueños la solución. Al principio Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe argentin Nexus avec la deuxième partie de la pièce El Regreso qui est extraite de la compilation album concept Odyssey. Avant la pause, on avait entendu la première partie de cette pièce. On enchaîne avec un groupe italien du nom de Astrolabio. C'est un groupe qui en est rendu à deux albums, le premier en 2006 et le plus récent en 2014. Et l'album s'intitule « L'isolamento dei numeri pari » et on va entendre « Non ricordo » qui est extrait de cet album-là. Alors voici « Astrolabio ». Thank you.

così. Ma i miei occhi c'était le groupe italien Astrolabio avec la pièce Non Ricordo. C'est extrait de L'Isolamento dei Numeri Paris. C'est un album qui est paru en 2014. Après la pause, Rocket Scientist, Sound of Contact et Lars Boutrop. Alors, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour la mise en onde et le choix musical. Alors, on débute le troisième bloc d'émission avec un groupe américain qui s'appelle Rocket Scientist. C'est un groupe qui a produit quatre albums entre 1993 et 2006. C'est un groupe qui gravite autour de Eric Norlander qui, depuis 2006, se consacre à une carrière solo. Ils ont quand même laissé quatre albums en héritage. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait de Brutal Architecture. C'est paru en 1995, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on va entendre la pièce Millennium 3. Alors voici Rocket Scientist. Alors, c'était la formation américaine Rocket Scientist avec la pièce Millennium 3 et c'est extrait de l'album Brutal Architecture. C'est paru ça en 1995. Alors, on continue avec un autre groupe américain, Sound of Contact, qui ont produit un album en 2014. Sound of Contact, c'est la réunion de Simon Collins et puis Dave Kirshner. Simon Collins étant le fils de Phil Collins et Dave Kirshner qui a, depuis la rupture du groupe Sound of Contact, a produit un album à l'automne 2014 qui est classé dans le top 10, c'est Dave Kirshner. Alors on va entendre extrait du seul album produit par Sound of Contact, Dimension Out. On va entendre un extrait de la pièce Mobius Slip. Alors voici Sound of Contact. We'll be right back. Alors, c'était Sound of Contact avec la pièce Mobius Slip, c'est tiré de l'album Dimension Out, paru en 2014. On va conclure le troisième bloc avec un Danois, Lars Boutrop. C'est un musicien qui a une quarantaine d'années d'expérience, mais surtout avec des formations assez marginales qu'on n'a pas... en tout cas, que moi, je ne connaissais pas avant l'apparition de l'album Small as a Ball, qui est paru il y a quelques semaines. Alors, c'est un album instrumental et ça met à contribution les talents de Lars Boutrop, qui est un claviériste. Alors, voici Small as a Ball, c'est tiré de l'album du même nom. We'll be right back. C'était du Danemark, Lars Boutrop, Music for Keyboards, avec la pièce titre de l'album Small as a Ball. Alors, on débute le quatrième bloc et dernier bloc de l'émission avec un nouveau groupe, en fait, une combinaison de musiciens qui viennent de Suède et d'Allemagne. Le groupe s'appelle Barracuda Triangle. Ils viennent de sortir un album. En fait, je dirais que ça fait quelques mois. Et l'album s'intitule Electroshock Therapy. Et on va entendre la pièce Acid Rain. Alors voici Barracuda Triangle. Thank you. Alors, c'était Barracuda Triangle, un groupe mixte de Suède et d'Allemagne qui viennent de faire paraître leur premier album qui s'intitule Electroshock Therapy. Et on a entendu la pièce extraite Acid Rain. Là, on va aller un petit côté rétrospective en 1973 avec le groupe Circus. Le groupe Circus qui a eu un certain succès d'estime lors de l'apparition de leur premier album qui s'intitulait tout simplement Circus One. Et le succès commercial n'étant pas apparu, le groupe s'est dissocié et ils sont réapparus en 1994, 21 ans plus tard, pour sortir deux albums en deux ans, mais ça ne s'est pas avéré un très, très révélateur. Alors le groupe est disparu. Et ce soir, pour le côté un petit peu anthropologique de l'émission, je vais retourner en 1973 et vous faire entendre une pièce qui s'intitule... En fait, c'est la pièce, c'est deux mouvements. Le premier, c'est Breach, et le deuxième, c'est Ad Infinitum. Et l'album, ben, on l'a nommé tantôt, c'est Circus One. Alors, voici le groupe britannique Circus. Thank you. Alors, c'était le groupe britannique Circus qui, avec une pièce extraite de l'album, leur premier album paru en 1973. On parle ici de retour en arrière de 42 ans. Alors, on va conclure l'émission avec un groupe fétiche, en ce qui me concerne, Premiata Forneria Marconi, avec un très bel extrait de leur deuxième album, Per un Amico, et la pièce s'intitule Appena un Po. Alors, voici PFM. Basterebbe Alors, c'était Premiata Forneria Marconi avec la pièce Appena un po. C'est tiré de l'album Per un amico qui est paru en 1972. Et ceci met fin à l'émission et mon nom est Jimmy Farley. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Rock de Neurones la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine!